Vous prendrez le petit déjeuner ? On ne sait pas encore. Vous nous direz demain matin. Pour information, le petit déjeuner est servi de 7h à 10h30 au buffet et jusqu'à 11h en chambre. Oui, d'accord, merci.